Bonjour, ici Valérie Levé et Samuel Lauzon au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure d'un petit tour dans le monde de la science avec Futur Simple. À 18h30, il sera question de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Ce sera avec Samuel Lauzon et son invité. Et ils nous feront découvrir un nouvel insecticide. Et pour maintenant, on va s'intéresser à la prise de décision. Nous avons tous des décisions à prendre, parfois des décisions difficiles à prendre parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main pour bien décider ou parce qu'on n'est pas sûr des conséquences ou parce qu'on n'ose pas se lancer. Il arrive aussi que notre décision soit influencée par un ami, par la pression sociale ou par la publicité ou autre. Prendre une décision, c'est un processus psychologique. C'est vrai pour nos propres décisions, mais c'est vrai aussi pour les décisions politiques. Et il y a des chercheurs qui s'intéressent à la prise de décision politique. C'est le cas de Benoît Béchard, chercheur au laboratoire CODOT de l'Université Laval. Bonjour Benoît. Salut Valérie, comment ça va? Ça va très bien, puis je suis bien contente de t'accueillir à nouveau au micro. Écoute, je suis choyé, je suis toujours choyé de venir ici, je suis chanceux. Bah oui, mais tu publies toujours plein, t'as toujours plein d'études que tu publies, alors pour nous c'est un bonheur. C'est bizarre, ça arrive tout en même temps, c'est ainsi. Alors Benoît, t'as écrit un nouvel article, donc t'as publié un nouvel article dans la revue Frontiers in Political Science. Un article qui parle de la prise de décision politique, mais avant tout, en fait, parce qu'il va être question de ça, la prise de décision politique, c'est de la psychologie ou de la science politique? Ouais, ça c'est la bonne question. Ben, tu sais, c'est un peu des deux en fait. Hein. Ouais. La prise de décision, on le voit comme un processus cognitif. Hein, fait que c'est un processus de traitement de l'information, puis ensuite il y a une décision qui est prise, donc il y a un engagement de la personne qui traite l'information. Puis de l'autre côté, mais la politique, on sait ce que c'est la politique, on n'a pas besoin d'avoir une maîtrise, un doctorat en Sciences Po pour savoir que la politique, ben c'est ce qui nous gouverne, c'est les décideurs politiques, les décideuses politiques, les gens qui sont à l'Assemblée nationale, les conseillers municipaux aussi dans nos villes. Et donc c'est la prise de décision politique. Notre intuition dans cette recherche-là, c'était que c'était un domaine de recherche qui devait être partagé par plusieurs personnes, plusieurs chercheurs. Ah oui. C'est ça. Ouais, justement, donc en fait, tu t'es intéressé à savoir si c'était une recherche multidisciplinaire ou interdisciplinaire. Et là, moi, je me suis demandé, mais c'est quoi la différence entre les deux? Oui, il y a une espèce de débat depuis, je dirais, quelques décennies même. Là, je pense que ça remonte au début des années 2000 ou un petit peu avant. En psychologie politique, donc le mariage entre ce qui fait en sciences politiques, la recherche sur le comportement politique notamment, comportement électoral, etc., et la psychologie, donc les processus cognitifs, par exemple, la psychologie cognitive. Et donc, il y a un débat dans cette littérature-là en psychologie politique à l'effet que les chercheurs se demandent si le champ de recherche est-ce que c'est une petite sœur ou un petit frère de la science politique, plus généralement, la psychologie politique, ou c'est quelque chose qui, c'est un domaine qui peut être partagé, je dirais, à parts égales entre les travaux en psychologie puis les travaux en sciences politiques. Et dans cette étude-là, on s'est demandé si la prise de décision politique était un domaine qui était multidisciplinaire ou interdisciplinaire. Et la différence est subtile, mais elle est importante quand même. Et même si on parle de terminologie, c'est important de comprendre les deux termes. La multidisciplinarité, c'est l'idée que il y a des chercheurs dans nos universités, dans nos collèges aussi, qui font de la recherche appliquée, recherche fondamentale. Et ces chercheurs-là, parfois, vont aller emprunter des théories ou encore des méthodes dans une autre discipline qui n'est pas nécessairement la leur, au premier égard. Et de l'autre côté, vous avez donc ces chercheurs-là qui empruntent des méthodes ou des théories et les ramènent dans leur champ, dans leur discipline. Par exemple, un politologue, un chercheur en sciences politiques va aller chercher quelque chose en psychologie, va ramener ça chez lui, va utiliser l'outil pour faire avancer les connaissances en sciences politiques. Ça, c'est de la multidisciplinarité. Okay? C'est multidisciplinaire, on va chercher quelque chose d'autre, on ramène ça chez soi. L'interdisciplinarité, c'est l'idée qu'on va oui, emprunter quelque chose, mais on va tenter de contribuer aux deux champs à la fois. Mm. D'abord, notre discipline nous-mêmes. Par exemple, si je suis un chercheur en sciences politiques, je vais tenter de faire avancer les connaissances en sciences politiques. Mais de l'autre côté aussi, mon emprunt va tenter aussi de contribuer à, par exemple, la psychologie. Mm-hmm. Un bon exemple que je donne pour ça souvent, c'est l'utilisation du Big Five. Je ne sais pas si tu sais, c'est un peu ce que c'est, Valérie. C'est un outil, un questionnaire, en fait, qui a été développé par des chercheurs en psychologie pour mesurer la personnalité. Mm-hmm. Assez simple. Et c'est un Big Five, c'est un questionnaire très court, hein, un short survey. Ça nous permet de, bon, de manière un peu raccourcie, de pouvoir dire, bon, ça, c'est tel type de personnalité, ça, c'est tel type. Mm-hmm. Et ça a été grandement utilisé en sciences politiques, ça. Oui. Alors, un exemple de multidisciplinarité dans ce cas-ci, ce serait l'idée qu'un chercheur va chercher ce questionnaire-là, l'utilise pour, par exemple, mesurer la personnalité des décideurs politiques. Chercheur en sciences politiques? En sciences politiques, okay. Exactement. Ouais. Et de l'autre côté, hein, un travail qui serait plus de nature interdisciplinaire, ben là, on aurait un chercheur qui irait chercher ce questionnaire Big Five-là, hein? Et il ferait sa recherche sur les décideuses ou les décideurs politiques, bon, mesurer la personnalité, etc. Mais en même temps, il tenterait de contribuer à peut-être une redéfinition du questionnaire en ouais. soi. Hein? La qualité de la mesure, est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on peut ajouter une question au questionnaire? Et ça aurait tendance, en définitive, à contribuer aux deux champs de recherche. Mm-hmm. Alors ah, c'est ouais. ça un peu l'inter et la multi. Ouais, ouais d'accord, c'est ça la différence. Donc comment tu as fait cette analyse, comment tu as fait cette recherche pour savoir si cette science de la prise de décision politique était plus multi ou interdisciplinaire? On s'est demandé la prise de décision, bon, c'est pas un choix dénué de sens. Hein. Pour moi, j'ai déjà parlé à ton micro un petit peu de ça, mais tu sais, la prise de décision politique, pour moi, c'est un de mes principaux motivateurs en recherche. J'aime beaucoup faire de la recherche là-dessus. D'abord parce que je sais qu'il y a des certaines limites cognitives hein, en termes de prise de décision ouais. face à la complexité du monde réel. On a déjà parlé un peu de ça. Alors, face à la complexité, le décideur ou la décideuse politique a des limites, une certaine limitation. Et ce que je veux savoir, c'est quel type de limitation, dans quelles circonstances hein, spécifiques, tout ça pour en arriver peut-être à développer des solutions, ou en tout cas des outils pour aider à accompagner les décideuses et les décideurs politiques. Et dans ce cadre-ci, on a utilisé la prise de décision politique comme un cas d'application. Hein, pour vérifier si le champ plus large de la psychologie politique, hein, les travaux qui se font par les chercheurs en psychologie et les politologues, pouvaient être caractérisés comme interdisciplinaires ou multidisciplinaires. Et donc, on a utilisé quelque chose qui est, je dirais, peu commun. Hein, on a fait une analyse bibliométrique. Hein, donc, c'est pas juste une recension de la littérature. Hein, souvent, on voit des revues de la littérature, recension des écrits, où est-ce qu'on va ouais. chercher beaucoup de travaux qui vont nous mener à avoir une compréhension assez fine d'une discipline. Alors, on va avoir une idée assez générale sur les différents travaux qui ont eu cours dans les 30 dernières années à propos de tel enjeu. Et dans notre cas, on a fait une analyse donc bibliométrique, c'est-à-dire qu'on a fait, oui, on a jeté un regard assez transversal, assez large sur la littérature sur la prise de décision politique, mais on a aussi utilisé des indicateurs chiffrés pour mesurer la densité des travaux qui se fait dans cette discipline-là, en prise de décision politique. La densité, ou en tout cas la concentration, un petit peu, des travaux. Et ça nous a donné des résultats, je dirais, à certains égards, qui confirment un petit peu ce que les chercheurs, comme je disais d'entrée de jeu tantôt, il y a 20-30 ans, ont mis de l'avant. Alors, on est allé un peu valider la conclusion des chercheurs qui ont mis de l'avant l'idée, au début des années 2000, que le champ de la psychologie politique, et dans ce cas-ci, la prise de décision politique, était un champ multidisciplinaire, pas interdisciplinaire. Mais en fait, tu parlais de densité, là, de mesure. Donc, c'est quoi, en fait, concrètement, que tu as mesuré? Ça s'appelle le Erfindahl-Hirschman. Le Erfindahl-Hirschman Index, donc c'est une mesure de la diversité. C'est souvent utilisé en économique, dans les travaux en sciences économiques, pour mesurer la concentration de marché. Hein? Mm-hmm. Alors, combien qu'il y a d'acteurs dans un marché qui occupe une niche de vente, par exemple, dans le commerce, etc. Et nous, on l'a appliqué à notre recherche, littéralement. Et ça nous donne un indicateur qui est chiffré entre 0 et 1. Mm-hmm. Et lorsque ça se rapproche de 0, on a, si je me rappelle bien, beaucoup de diversité. Et lorsque c'est 1, on a très peu de diversité. Et ce qu'on a retrouvé, généralement, de manière générale, le constat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de diversité, en fait. Ouais. Mais c'est plus subtil que ça. Il y a beaucoup de diversité dans les chercheurs qui font les études, ils viennent tous de la même discipline? Ben, d'abord, ça, c'est notre premier résultat. C'est une bonne question, c'est un bon énoncé que tu t'avances. D'abord, on s'est rendu compte que, et c'est très humain, j'imagine, que les chercheurs travaillent ensemble dans leur discipline. Ils collaborent avec leurs pairs à l'intérieur de leur département. Alors, ça va aussi loin que ça. C'est des chapelles. On dit souvent ça, des petites chapelles, là. Alors, les chercheurs, les politologues, les chercheurs en sciences politiques, de manière générale, hein, ils travaillent avec des politologues. Hein. Les chercheurs de l'autre côté, en psychologie, travaillent avec des gens en psychologie aussi. Alors, c'est assez rare de voir des chercheurs qui font du travail véritablement interdisciplinaire. Hein. C'est-à-dire de croiser leurs travaux, leurs méthodes et leurs travaux pour contribuer aux deux champs à la fois. C'est même très, très rare. Et là, on peut se poser tout un tas de questions. Pourquoi? Pourquoi qu'on travaille dans des silos de recherche? On pourrait appeler ça peut-être un peu des silos, hein, de manière isolée en tout cas. Mais il y a plusieurs interrogations qu'on peut se poser ou plusieurs énoncés qu'on peut soulever. Je ne sais pas si je te devance dans tes questions, mais il y a certains chercheurs qui avancent l'idée que, ben, effectivement, on ne partage peut-être pas les mêmes méthodes. Hein? Ouais. En sciences politiques, on serait peut-être plus au niveau des devis observationnels qu'on appelle, hein, les sondages, l'utilisation de questionnaires. Des fois, c'est des questionnaires en ligne aussi. Des fois, c'est des entretiens, des entrevues dirigées, semi-dirigées, entrevues exploratoires plus libres. Alors, on utilise un peu plus ça, quoique de plus en plus, on a remarqué ça aussi que les chercheurs en sciences politiques connaissent la méthode expérimentale, donc en laboratoire. Donc, de plus en plus, on se rapproche de ça. Mais généralement, en sciences politiques, on y va avec le devis observationnel. De l'autre côté, les chercheurs en psychologie, eux, ils sont beaucoup plus dans la méthode traditionnelle, classique de la psychologie, hein, qui a été héritée notamment de la révolution, ce qu'on appelle la révolution cognitive, là, dans les années 60, là, où est-ce que là, on fait de la psychologie expérimentale. On fait des expérimentations en laboratoire. On utilise, bon, par exemple, moi, dans mes travaux, la simulation par ordinateur, hein, pour reproduire des environnements de décision du monde réel, mais dans un laboratoire, pour être capable de contrôler les variables, isoler un effet sur une variable qui nous intéresse, etc. Alors, on est plus là-dedans. Et là, les chercheurs se questionnent, est-ce qu'il y a un fossé entre les pratiques? Alors, c'est ça qui a été intéressant de creuser un peu plus. Mais est-ce que ça veut dire que les chercheurs en psychologie n'osent pas vraiment ou sont réfractaires à aller vers la science politique? Est-ce que ça veut dire que les chercheurs en sciences politiques eux-mêmes ne font pas le pas vers la psychologie? Ou c'est un très bon point. Ils ne traversent pas le couloir pour aller voir ce qui se passe dans le département voisin? On pourrait avancer que oui, ça serait le cas. Ça serait le cas parce qu'on pense que c'est peut-être à cause justement de la façon dont les chercheurs dans les deux disciplines, et plus largement ça pourrait être en sciences sociales, mais dans les deux disciplines, donc la psychologie et la science politique, voient le rôle de leurs travaux. Hein. Et donc, il y a des chercheurs d'ailleurs qui ont publié là-dessus, mais souvent on a tendance à voir de l'extérieur, les politologues, on les voit comme des chercheurs engagés. Hein, dans le débat public. Alors, c'est des gens qui... Et c'est très valorisé aussi. Hein. Moi, j'ai fait un bac en sciences politiques, une maîtrise en sciences politiques et en économique. Alors, je viens un peu de cette école-là. Et ces chercheurs-là, c'est très, très valorisé d'aller... ce qu'on fait, par exemple, ce soir, vulgariser nos travaux, hein, grand public, en parler à différentes enseignes pour être en mesure d'aller un peu alimenter le débat social ou, en tout cas, essayer d'informer la population sur ce qu'on fait. Et en même temps, ben ça a une couleur, la politique. Bon, ça nous entoure, hein, toutes les citoyens, on est tous concernés par ça. Donc, il y a une espèce de, je dirais, d'implication naturelle pour le chercheur en politologue qui est connu dans nos facultés. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, les chercheurs en psychologie n'ont pas du tout ce profil-là. C'est des gens qui sont des gens. Je ne dis pas que les gens en sciences politiques sont pas rigoureux, bien au contraire, mais ils ont leur propre méthode. Et les gens en psychologie, c'est des gens qui font de la recherche, notamment dans les laboratoires. Et cette tradition-là les a pas amenés naturellement à dévoiler au grand public leurs résultats. Alors, ils vont le faire à certaines enseignes, mais très, très spécifiquement dans des congrès scientifiques. Hein, on connaît les méthodes traditionnelles de vulgarisation et de déploiement, donc dans des congrès scientifiques, à travers justement leurs parutions scientifiques, leurs publications, etc. Mais c'est beaucoup plus des couloirs traditionnels. Et ces deux écoles-là ne se parlent pas beaucoup. Hein. On pourrait même aller jusqu'à dire que les gens, les chercheurs en psychologie, sont peut-être un peu, en bon québécois, frileux à l'idée de se mouiller un petit peu dans le débat social. Et ça, je l'ai remarqué, moi, de manière beaucoup plus terrain, humaine, là, quand j'ai complété mon doctorat en psychologie à l'Université Laval, et où j'ai tenté de mailler un peu des collègues en sciences politiques avec des collègues en psychologie. Et à plusieurs égards, je me suis rendu compte que c'était difficile pas à peu près de faire ça. Ouais. Et ces études-là, alors, dans prise de la décision politique, elles sont publiées dans des revues scientifiques politiques ou en psychologie? Autre bon point, les études qui s'intéressent à la prise des décisions politiques sont publiées majoritairement dans des revues en sciences politiques. Donc, on peut se questionner aussi à savoir si c'est probablement des gens en sciences politiques qui mènent un peu le fer de lance dans ces recherches-là. C'est sûr qu'ils vont de l'avant, puis c'est souvent les premiers auteurs sur les publications scientifiques sur la prise de décision politique. Mais ce qui est curieux, c'est que la prise de décision, au départ, de la façon dont on le définit, du moins nous, là, c'est un processus cognitif. C'est la cognition humaine qui est au travail, qui évalue des options pour prendre une décision, pour s'engager dans un chemin là, de décisionnel. Et de prime abord, si on prend le concept comme ça, c'est pas un concept de science politique. Non. C'est un concept de cognition humaine. Oui. Alors, c'est quand même surprenant qu'on voit que les chercheurs qui ont mis de l'avant l'étude de la prise de décision politique, ce sont des gens en sciences politiques qui ne sont pas formés nécessairement à l'étude de la cognition humaine. Alors, c'est quand même particulier. Est-ce qu'on peut considérer que tu es un cas un petit peu à part, justement, en étant je suis formé en psychologie et en t'intéressant à la question politique? Bien, pour le meilleur et pour le pire, peut-être, là, au détriment ou au bénéfice de mes collègues. Mais oui, peut-être. J'en ai connu quelques-uns et il y a des collègues quand même qui sont, au mi-chemin entre les deux. Il y a, par exemple, une collègue que j'aime beaucoup, Alison Harrell, qui est une super chercheuse à Montréal. Je pense qu'elle est à l'Université du Québec à Montréal, qui fait de la recherche en psychologie politique, et notamment sur la solidarité sociale aussi. Elle a une chaire de recherche là-dessus. Super travaux, justement, à l'intersection entre la psychologie et la science politique. J'ai des collègues aussi qui font de l'étude du comportement électoral. Ça, c'est répandu en sciences politiques. Ouais. Alors, un petit peu à la façon multidisciplinaire, on va emprunter un peu des outils, des théories qui sont propres au départ à la psychologie, puis on les ramène en sciences politiques pour étudier le comportement. Le comportement, oui. Alors, je suis peut-être une bébite, là, mais il y en a encore, il y en a d'autres bébites. Alors, imaginons que ce soit fait de façon interdisciplinaire, que la psychologie et la science politique se parlent et qu'on arrive à une science un petit peu qui émerge, une science interdisciplinaire. Oui. Qu'est-ce que la science politique gagnerait à cette interdisciplinarité? Je suis bien honnête là-dedans. Moi, j'ai tenté de travailler là-dessus et ça m'a pas découragé. Au contraire, ça m'amène à me rendre compte que l'interdisciplinarité, c'est important pour répondre aux grands problèmes sociaux de notre époque. On peut pas, et ça, j'en suis de plus en plus convaincu, plus j'avance en âge, là, on peut pas résoudre un problème complexe, par exemple les changements climatiques, ou la gestion des pandémies, ou les guerres commerciales, comme on voit se profiler aux frontières, avec une table monodisciplinaire, avec des chercheurs qui sont uniquement des psychologues autour de la table, ou avec des politologues qui sont autour de la table. Ça prend tout un tas d'expertise pour nous permettre de développer des solutions utiles pour tenter de prendre un problème multifacette, puis de le régler. Alors ça, c'est déjà au départ, moi je suis convaincu de ça, l'interdisciplinarité, puis le maillage entre les expertises, l'économique, la sociologie, etc., et j'en passe, les sciences de la santé, etc., tout ça, ça peut nous aider à raffiner notre compréhension des problèmes, puis faire en sorte qu'on trouve des meilleures solutions. Alors ça, dès le départ, je suis convaincu de ça. Deuxième point, l'interdisciplinarité, je crois, si on la pratique, puis c'est tout un défi, on en parlera peut-être un peu plus dans les prochaines minutes, mais c'est l'idée aussi de développer, de partager des méthodes différentes. Alors, j'en parlais un petit peu d'entrée de jeu, mais on n'a pas effectivement la même boîte à outils de méthodes. Les gens en psychologie, moi même si je fais pas nécessairement ça, j'en ai vu beaucoup des différents types de méthodes. En psychologie, on peut faire de la mesure de la sudation de la peau, de la mesure du rythme cardiaque, pour mesurer, par exemple, des réactions d'anxiété ou de stress. On peut suivre le comportement oculaire sur le Le suivi oculaire, le comportement des yeux sur un écran lorsqu'on fait on réalise une tâche de prise de décision. On fait de la simulation par ordinateur. Alors, on fait toutes sortes de choses qui sont un peu à l'extérieur des sciences sociales, je dirais, et qui sont peut-être moins connues. Hein? À l'inverse, la science politique font des méthodes plus traditionnelles de sciences sociales, mais les ont expertisées. Puis sont très habiles maintenant avec ce type de méthode-là. Alors, les questionnaires, le big data en sciences politiques avec des échantillons énormes qui nous permettent d'avoir des modèles impressionnants, là, c'est connu et c'est utilisé, et c'est même perfectionné en sciences politiques, ce genre d'outils-là. Alors, je pense que l'interdisciplinarité, pour faire court, là, on peut vraiment s'alimenter puis s'enrichir mutuellement si on décide de dépasser nos préjugés puis de dépasser nos clochers. Mais c'est ça le défi aussi. On a souvent peur, en tant que chercheur, d'être pointé du doigt puis qu'un collègue, bon, qui n'est pas de notre discipline, nous souligne une lacune dans nos travaux, hein? Une lacune qu'on n'avait pas perçue parce qu'on n'était pas dans sa discipline. Alors ça, il y a une grande peur. Ah. Et les chercheurs ont des sacrés gros égaux aussi, hein? Ça, faut le mentionner. Gérer son ego et gérer l'ego des autres. C'est un collègue à moi en sciences politiques qui disait ça, Yannick Dufresne, qui a tout à fait raison de dire ça. Mais effectivement, alors c'est tout un défi de mettre ces gens-là ensemble. Ben justement, qu'est-ce qui pourrait encourager l'interdisciplinarité dans ce domaine? Est-ce que ce serait par exemple par les demandes de subventions? Parce que je vois dans les autres, en sciences naturelles et génie, par exemple, dans les demandes de subventions, il est demandé une certaine interdisciplinarité parfois. Oui, tout à fait. C'est conditionnel à l'obtention de la subvention. Effectivement, il y en a de plus en plus des programmes comme ça. C'est souvent on parle souvent aussi de short programmes, des programmes courts de 2 ans, trois ans maximum, pour lancer un nouveau programme ou à titre exploratoire, pour explorer un nouveau partenariat avec des chercheurs de différents horizons. Et ça, c'est très valorisé présentement dans l'ère du temps, là, en recherche, que ce soit dans les organismes subventionnaires fédéraux ou provinciaux, hein, les conseils de recherche en sciences humaines, par exemple, au fédéral, ou le Fonds de recherche du Québec. C'est très valorisé, ça, de faire de la recherche interdisciplinaire comme ça. Alors oui, dès le départ, c'est intéressant de pouvoir mettre la main sur ce genre de financement-là, puis d'essayer aussi de se confronter un peu à nos préjugés, d'aller au-delà de nos préjugés pour essayer des nouvelles choses. Alors ça, c'est un défi d'ouverture, hein, je pense. Il y a aussi l'idée de se familiariser, de familiariser progressivement les chercheurs à d'autres disciplines, à d'autres concepts, puis à d'autres méthodes, je l'ai dit un peu. Ça va passer par l'idée peut-être d'aller fréquenter des forums qui sont pas les nôtres, hein, des forums disciplinaires qui sont pas les nôtres. Donc, moi, si je m'intéresse à un phénomène politique, je pourrais très bien, par exemple, la prise de décision politique, je pourrais très bien aller dans un congrès en psychologie qui étudie le mouvement oculaire, hein, pour me donner plus d'outils, hein, qui sont des méthodes traditionnellement utilisées en psychologie expérimentale, mais le ramener chez moi, bon, multidisciplinaire, ça va être multidisciplinaire, et là, peut-être qu'avec, au fur et à mesure que le temps va avancer, je vais être capable d'avoir suffisamment de connaissances en suivi oculaire pour contribuer au corpus de psychologie. Donc, ça deviendrait interdisciplinaire. Mais c'est de se confronter puis de sortir des forums, de pas avoir peur de poser des questions qui peuvent sembler un peu du champ gauche. Parfois, regarder un peu de travers par les collègues qui sont dans la discipline à laquelle on assiste, là, dans laquelle on est. Mais c'est ça, c'est de dépasser, hein, la frontière, qui est tout un défi. Donc, par exemple, dans le cas de la prise de décision, donc, qui relève c'est les sciences cognitives, on doit prendre des décisions. Donc, si on est dans le cadre interdisciplinaire, on pourrait imaginer que, en devenant interdisciplinaire, les psychologues qui étudient la décision politique enrichissent leur connaissance sur la prise de décision à partir du cas des politiciens. Exact. Disaient, ah oui, mais là, c'est comme ça qu'ils font les politiciens. Est-ce qu'on peut le ramener chez nous? Comment est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres cas de prise de décision? Très bon point. Je pense que en plus, mes recherches, ils démontrent un peu, hein, modestement, là. On arrive à se dire, bon, ben, quel pourrait être le plus beau cas d'usage ou dans les plus beaux cas d'usage pour exemplifier la complexité, hein? Et là, on se dit, ah, la politique. La politique est placer une décideuse politique ou un décideur politique devant son environnement quotidien de décision, là, hein, puis le faire considérer l'ensemble des variables qu'il y a devant lui ou devant elle, hein, avec le taux de chômage qui fluctue, puis les taux d'intérêt, puis le niveau d'inflation, puis le produit intérieur brut, puis bon, etc. C'est un laboratoire vivant de la complexité. Tout à fait. Donc, il n'y a pas juste la politique, mais c'est un très bon exemple. Alors, on se demande un peu aux résultantes de ce travaux-là, de ces travaux-là, on se demande pourquoi les chercheurs en psychologie n'ont pas été plus intéressés que ça au cas politique, parce que c'est un cas éminemment intéressant pour capturer la complexité. Ouais, absolument. Ouais. Ben alors, on va voir si une nouvelle science émerge, peut-être. Écoute, on va travailler fort dans les 30 prochaines années pour ça. Je vois que tu vois loin. Ouais, ouais. En tout cas, merci beaucoup, Benoît, de cette incursion dans le monde de la prise de décision politique et sur la différence entre les recherches multi- et interdisciplinaires. J'avoue que je ne connaissais pas cette nuance-là. C'est un plaisir, Valérie. Merci beaucoup. Merci. Donc, je rappelle que Benoît Béchard est chercheur en sciences de la prise de décision politique au laboratoire CODOT de l'Université Laval.